À Cranberry, non, y'a n'aura raison de moi. Je vais chercher ma loïta chez les c'est un les implats, pas autant passer. Est-ce le temps de vivre? Dans le rang d'antiquités, au bagou du danser. Rien n'aura raison de moi, je vais chercher ma loïta chez mes pieds. C'est un tantier. C'est une grande dame, tu me connais.